Alors, l'organisation Thoth, qui est chargée des grands travaux d'Hitler, Monsieur Duquesne, directeur adjoint de la coupole d'Elfaux, décide d'implanter en 1943, sur le plateau d'Elfaux, une base secrète de stockage et de lancement de la fusée V2, qui est l'arme secrète d'Hitler avec laquelle il compte détruire la ville de Londres. C'est une arme terroriste, il y a plusieurs armes secrètes, les V1, les V2, les V3, et donc ici c'est une base de V2 qui fait suite à la destruction du blockhaus des Perlecs qui était la base initiale de lancement. Donc en 1943, en octobre, les travaux débutent. Plus de 1200 personnes vont travailler par équipe de 600, jour et nuit sur le site. Sur la main-d'œuvre qui est employée à la coupole, c'est une main-d'œuvre très hétérogène, bien sûr. On y trouve de la main-d'œuvre forcée tout d'abord, ces 500 prisonniers soviétiques qui vont être durement traités et qui, quand le site va être libéré, vont être parqués dans un train, destination inconnue et sort inconnu. Bien sûr, et c'est encore un témoignage fort ici dans le secteur d'Elfaux et de Wizerne, des personnes vont être employées par le STO, qui ont encore aujourd'hui, pour ceux qui vivent encore, un souvenir très difficile de cette période. Et on y trouve aussi les Allemands qui travaillent sur les postes de maître et contre-maître, qui dirigent le site, c'est l'organisation Thoth qui prend en charge les travaux. Donc l'organisation Thoth, c'est l'organisation qui est chargée par Hitler de mettre en œuvre les grands travaux de construction de sites, notamment dans la région du Nord-Pas-de-Calais. On y trouve le blockhaus des Perlecs, on y trouve la base V3 de Mimoyec, des secteurs aussi sur le littoral, et la coupole donc en fait partie. Pour ce qui est du STO, c'est une main-d'œuvre, c'est le service du travail obligatoire, donc les Français viennent travailler obligatoirement sur des sites, et la coupole en fait partie. On a essayé de faire aujourd'hui, c'est de retrouver la dimension du dôme. On est sous sa masse écrasante, c'est 5,5 mètres d'épaisseur de béton armé, c'est 55 000 tonnes, c'est l'équivalent en poids du porte-avions Charles de Gaulle, ou c'est 4 fois et demi le poids de la tour Eiffel. Et bien, c'est ce que découvre le visiteur en premier, puis cette fusée V2, qui est l'ancêtre de toutes les fusées, inventée par Werner von Braun, qui devait être lancée d'ici, c'est une véritable fusée V2. Il en reste une dizaine dans le monde qui soit présentée au public. C'est la seule qui soit présentée en France aujourd'hui. Avant, la fusée V2 était orientée ici d'ailleurs, la pointe vers le haut, présentée comme un engin scientifique, celui d'aller vers l'espace. Aujourd'hui, elle est présentée le nez vers le bas, puisque c'est un engin guerrier, un engin qui servait à tuer. Quand vous arrivez, que vous sortez d'une des salles de cinéma et que vous avez la fusée qui pointe vers vous, vous avez cette sensation de peur, de crainte, puisque la fusée V2, c'était pas une arme de destruction comme les autres, c'était une arme terroriste, constituée pour faire peur, terroriser la population londonienne. Vous avez à la coupole deux professeurs qui sont détachés de l'éducation nationale, l'un sur l'histoire, l'autre qui est agrégé sur les sciences. Les deux animent des ateliers envers les scolaires, par exemple dans le cadre de la semaine de la science. La coupole, ce sont beaucoup de témoignages qui sont recueillis, chaque année encore. Ce sont plus de 26 000 photographies, un fonds de plus de 26 000 photographies et plus d'une centaine d'heures de films. Moi, je suis né en 22, alors c'était en 44. Monsieur le maître, ancien gardien de la coupole au moment de la libération. On se demandait ce qu'ils allaient faire ici, vu que moi j'habitais à... Comment je vais vous dire ce nom ? J'habitais à 200 mètres à peine, vu qu'on n'était pas loin d'ici. On voyait les Boches faire une butte en terre. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont fabriquer pour faire un mont terre comme ça. Puis après, on s'est aperçu que le montée était arrondi. Et après, on a commencé à voir avec les jumelles qui ferraillaient jusqu'à 3 mètres, 3,50 mètres, voire même 4 mètres de ferraille. Alors, ils ont coulé le béton. La terre, ça leur a servi de coffrage. Mais quand même, on a été beaucoup bombardés, Vous savez, il y a eu peut-être 70 maisons sur 100. D'ailleurs, on voyait bien, par exemple, notre rue. Il n'y a pas beaucoup d'anciennes maisons. Les bombardements, tuer des milliers de personnes, ça c'est volontaire. J'ai pas mal parlé. Hein, j'ai dit que ma conscience, j'ai dit c'est inhumain. Là, c'est volontaire. On tue par plaisir, on bombarde par plaisir. Regardez comme maintenant, on dit qu'il n'y a plus d'argent. En cas de guerre, on trouve des milliards de milliards pour faire des navires de guerre, des avions, des bombardiers, des bombes, toutes sortes pour tuer des gens. Là, il y a de l'argent. C'est malheureux. Des guerres, c'est voulu. Et c'est vrai. Alors, quand ils ont fait le musée, ils ont recherché des personnes qui y avaient travaillé. Donc, ils se sont demandé si je voulais venir. C'est pour l'histoire, pour apprendre, pour que les gens comprennent, les gens savent ce qui s'est passé, ce qui allait être si jamais ça aurait travaillé. Si ils avaient réussi, ça aurait été catastrophique. Catastrophique. Ouais.